manger, est-ce que son nom sera changé? Et que serait que tu viens d'entrer dans un monde où rien ne bouge? Celui du poisson rouge. Est-ce que ça peut s'apprivoiser? Et si une mouche passe à côté, est-ce que le poisson va pas sauter? Faut surveiller à tout tabac. Qu'il essaye de parler, mais qu'est-ce qu'il tente d'articuler? Faut pas lui prêter tes pensées. Tu sais que tu viens d'entrer dans un monde où rien ne bouge. Celui du poisson rouge. Celui du poisson rouge. Qu'est-ce qu'il peut baragouiner? Oh, à moins que ce ne soit. De poisson. Brinus aurait la grosse tête. Ce qu'il disait quand il était dans l'eau, le poisson. Et donc on pouvait pas entendre à cause de l'eau, justement. Vous savez ce qu'il disait? Eh ben, il disait... Bring me my bubble of bob and bob, please. Bring me my bubble of bob and bob, please. Bring me my bubble of bob and bob, please. Bring me my bottle of bubble and pop, please. Bring me my bottle of bubble and pop, please. Bring me my bottle of bubble and pop, please. Tu peux m'amener ma bouteille de bourbon, Bob, s'il te plaît?